Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le bataillon d'opérations spéciales directement rattaché à l'unité 525 de l'Armée Populaire de Corée, en compagnie de Fang Byung-so, sous-maréchal et chef de la direction politique générale de l'Armée Populaire de Corée et d'autres cadres responsables de l'armée. Le camarade Kim Jong-un a fait le tour de la caserne, de la salle d'éducation, de la cantine, du pavillon des assises d'ensemble et de la salle d'entraînement de natation. Il a trouvé le dortoir, la salle de bain et le salon de coiffure coquet, propre et impeccable, et exprimé la joie en disant qu'ils peuvent servir d'exemple pour toute l'armée. Il a déclaré « La salle d'éducation aussi me plaît. Les combattants à expédier dans l'arrière ennemi doivent être bien prêts sur les plans militaires, techniques, physiques et politico-idéologiques aussi, pour remplir à merveille leur mission. Il faut intensifier l'éducation politique et idéologique sous différentes formes et méthodes pour les former en phénix, en fort de la pensée et de la foi, bien déterminés à sauvegarder la patrie socialiste. La cuisine aussi est bien aménagée. Il y a beaucoup d'ingrédients, je suis content de les voir. Je suis satisfait. Il faut bien les alimenter pour hausser l'intensité d'exercice des combattants. Il convient de fournir régulièrement, selon la norme de repas, de la viande, des œufs, des poissons et autres, et de servir des mets variés conformes au goût. Les installations de sport aussi sont comparables à celles d'un club sportif spécialisé. Le casernement est divisé nettement en secteurs de la vie, des exercices et de l'approvisionnement, et tous ces éléments sont associés de façon organique. Le plomb et la construction sont au niveau suprême. Les environs aussi sont bien aménagés. Le pavillon d'exercice formé de la salle d'entraînement physique, du hall de compétition, de la salle de cours de radiocommunication, de la salle de cours d'ordinateur, de la salle de cours de topographie, de la salle de cours des détails de l'armée ennemie et d'autres, ainsi que la salle d'entraînement de natation, sont bien aménagés conformément aux caractéristiques de l'accomplissement du devoir de combat pour permettre aux combattants de se déplacer librement en arrière ennemi au cas échéant et de remplir bien toute mission de combat. Le camarade Kim Jong-un a dirigé les exercices des combattants au terrain d'exercice d'ensemble en plein air. Courses d'obstacles, arts martiaux, tirs, descente au cours du vol à faible altitude, descente d'un hélicoptère au moyen de la corde et attaque. Les combattants courageux du bataillon d'opérations spéciales, chargés principalement d'éliminer les rebuts qui perpètrent des crimes impardonnables dans la Maison Bleue et au poste élevé du gouvernement fantoche et des autorités militaires, ont exécuté de façon exacte, rapide et excellente les mouvements de combat difficiles et compliqués, et montré ainsi sans réserve leur capacité d'accomplir le devoir assigné de façon indépendante et active. À travers les exercices, les combattants ont manifesté avec force l'esprit de l'héroïque armée populaire de Corée, qui se développe en une armée plus puissante, armée sans rival, sous la direction du camarade Kim Jong-un, grand promoteur du Sun-gun, qui fait échouer toutes les tentatives des impérialistes et des réactionnaires, et qui défend fermement la dignité du pays et la souveraineté de la nation, avec le courage incomparable, la volonté de faire et l'intelligence extraordinaire. Le camarade Kim Jong-un a dit que les combattants sont bien vaillants et durs comme l'acier, qu'ils tirent juste avec des pistolets et des fusils automatiques, qu'ils sont capables de battre des ennemis un contre cent avant d'apprécier haut leur succès d'exercice. En qualifiant le bataillon d'opérations spéciales directement rattaché à l'unité 525 de l'armée populaire de Corée, d'unité de combat dont le commandant suprême fait grand cas particulièrement et à qui il se fie avant les autres, il a précisé des tâches de programme pour former le bataillon en troupes de militants du parti, d'officiers et d'étudiants, livrés dans l'atmosphère de combat réel tous les exercices, y compris le tir, la marche et la natation, bien former des commandants instructeurs et améliorer sans cesse les méthodes et contenus des exercices, former tous les combattants en soldats omnipotents, en guerriers interarmes, capables d'accomplir à merveille tous les devoirs de combat difficiles comme reconnaissance, pénétration, attaque et destruction. Le camarade Kim Jong-un a exprimé la certitude que les combattants du bataillon d'opérations spéciales chargé du devoir important de donner un coup de poignard dans le cœur de l'ennemi et de casser ses reins accompliront comme il faut leur mission honorable dans le combat à mort avec les ennemis. Il a fait don des jumelles et d'un fusil automatique et s'est fait photographier en souvenir avec eux.